Fumer un keuf, c'est l'Aïd. Tous ces rappeurs sont des gros mythos, je te jure sur ma hive. Tu veux un tube, appelle l'ingé. Confonds pas ceux qui touchent du poids, ceux qui touchent les points G. Trop de haineux, trop de haineux dans ma salle d'attente. Tu veux un beat, parle à l'assistante, mon assistante. On tombe au star, tu tombes dans les pommes. Tiens mon mail, va niquer ta mère.com. Porsche, Panamera, Turbo, Carrera, Cayenne. J'parle pas au cup, seuls les micros, les chiennes connaissent mon haleine. On m'aime, on me déteste, bref, j'suis celui qu'on cite. Pute, suce-moi direct, j'suis circoncis. J'reste au-dessus du peura comme un accent circonflexe. 1995, j'ai flotté à Bestaflex. J'débarque du 7-8, compète et verdure. Élevé à la dure, lobby à l'air, baisse, coucou de ceinture. Bentley, Ferrari, 6.3, Panamera, Cayenne, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Carrera. Fouini Camos, grosse poitrine, Aston Martin. Fouini Camos, le rasson, le lèvre, au bout de Aspie. R8, 7-8, SLS, SLR, Rolls Royce, Maserati, vroom, la putain de sa mère. Fouini Camos, grosse poitrine, Aston Martin. Fouini Camos, le rasson, le lèvre, au bout de Aspie. Habillé comme un jeune dame, balancé na chétane, Zayo sur la bleuta, va niquer ta jeda. Double album dans les bacs, on coupe la poire en deux. Robeux, personne regarde ta meuf, elle est comme France 2. Prolique dans ta bouche, bouche, ferme ta gueule. Antillais, Arbouche, Bambara, Sonic et Peul. Peul, Robeux ne crois pas qu'on marche seul. Ton rap c'est de la merde, c'est pour ça que tu fous l'sbeul. Déterre, terre, c'est de la haine qui coule dans nos veines. Tire-moi dans la tête si tu veux pas qu'on vienne. Incarcéré, déféré, pourtant je suis muet. J'ai transporté la coke dans le cul du mulet. Bentley, Ferrari, 6.3, Panamera, Cayenne, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Carrera. Fouini Camos, grosse poitrine, Aston Martin. Fouini Camos, le rasson, le lèvre au bout de Aspie. R8, 7-8, SLS, SLR, Rolls Royce, Maserati, vroom, la putain de sa mère. Fouini Camos, grosse poitrine, Aston Martin. Fouini Camos, le rasson, le lèvre au bout de Aspie. Fouini Camos, Fouini Camos, Fouini Camos, grosse poitrine, Aston Martin. Fouini Camos, le rasson, le lèvre au bout de Aspie. Fouini Camos, Fouini Camos.